Ma situation bat de l'aile. À chaque coup dur, je perds des plumes. J'en ai récupéré une pour remplir des pages vierges. J'ai trop joué avec le feu, je me suis fait fumer. J'ai trop fait le pigeon, je me suis fait plumer. Mais j'assume, je l'ai mérité, je l'ai eu dans le cul. La vie ne tient qu'à un fil, on prend des risques à jouer les funambules. J'ai plein d'idées dans la tête, je les cale sur BPM. Parfois j'imagine, je rêve de voler quand je suis dans le TVM. Tu me respectes, tu verras que le mec est trop pur. Tu me donnes des noms d'oiseaux, tu verras les oiseaux de mauvaise augure. Une brindille d'herbe au bec et je voyage. Mais je reste un prédateur pour les wacks comme un aigle royal. Mais bon, ne me jugez pas, y'a que le Seigneur que j'implore, que j'invoque pour éviter de me faire shooter en plein vol. Et t'as l'air sceptique quand je te dis qu'en perspective, j'ai l'ambition d'être au premier plan pour rester perceptible. Hey, je suis ce putain d'oiseau rare. Certains me haïssent, d'autres me trouvent adorable. Un oiseau noir comme un corbeau, mais je veux briller, pas rester dans l'anonymat comme John Doe. Hey, je suis ce putain d'oiseau rare. Un putain d'oiseau rare, un oiseau noir comme un corbeau. Méfie-toi de moi qu'on frappe l'eau. J'ai l'impression que ça va de mal en pis. J'étais grave derrière, mais plus j'accélère, plus ils tentent de me ralentir. Car j'ai le talent qui vache, ils sont pris d'hystérie. Quand ils voient ce mec mystérieux, ils ont la chair de poule et les poils qui s'hérissent. Et dans le vide, nous sautons avec l'œil du faucon. Et je suis fier comme un pan lorsque je perds voir un sang pour l'instant. J'ai pas encore touché grand monde, mais quand on me dit j'aime bien le son, je suis content comme un pinson. Et je fly, ça me va, je vais rester haut pour esquiver les vautours, éviter qu'ils me tournent autour. Faut que je trouve une activité vite fait, je veux pas rester passif. Je veux planer comme un oiseau, putain, je veux pas rester oisif. Je voudrais marquer le siècle, parcourir le ciel, je l'évite. Dans les airs pour m'envoler avec les aigles, mais j'évite, je veux l'élite. Ma volonté fait des siennes et j'hésite à déployer mes ailes de phénix pour atteindre le zénith. Hey, je suis ce putain d'oiseau rare. Certains me haïssent, d'autres me trouvent adorable. Un oiseau noir comme un corbeau, mais je veux briller, pas rester dans l'anonymat comme John Doe. Hey, je suis ce putain d'oiseau rare. Un putain d'oiseau rare, un oiseau noir comme un corbeau. Méfie-toi de moi quand frappe l'orage. Je me réveille, boy, je sors du coma. J'ai mis de côté toutes les ressoirs, les verres de collade. Jusqu'à ce qu'ils disent, voilà, tu causes trop là. J'ai trop de mots, trop de causes à défendre trop de choses. Avant d'être en osmose avec moi-même et les miens dans mon cosmos. Cause toujours, tu refuses voir la vérité que je t'expose. J'ai des textes glow, micro-test pose. Ma bouche est un glock qui fait clic pam. West Coast, Death Row, Expo. Trop d'images dans mon cerveau. Trop têtu depuis le berceau. Je me laisse porter par le vent. Oiseau rare, mi-ange, mi-corbeau.